La Belgique impose son rock grâce à Balthazar pour ouvrir notre 178e Pop'n'Rock sur la trail locale RVR. Ce soir, programme comme chaque semaine assez éclectique puisque des illuminés de Church of the Cosmic Skull aux plus jeunes Children of the Sun, votre Pop'n'Rock vous envoie 59 minutes et 57 secondes sans pub, alors profitons tout de suite des Irlandais des Fontaines D.C. Fontaines D.C. chante Big Shot, allez vite sur votre plateforme musicale préférée car les Irlandais ont sorti début 2022 un superbe album à écouter sans modération. Côté nouvel album, 2022 est notamment marqué par Placebo qui nous prouve qu'on peut encore compter sur eux et perso j'ai craqué sur le morceau Happy Birthday in the Sky. Darling, happy birthday, and I En traînant sur le net, en grattant, en cherchant, je viens de trouver The Chameleons. Je ne sais pas grand chose d'eux, si ce n'est que leur Soul in Isolation a retenu toute mon attention. Soul in Isolation. I can hear you crying down the hall. Soul in isolation. I can hear you breathing through the walls. And if I had a mind to now, I could call to you, or I could simply shut you. Crushes all the creatures, great and small. I want to see this giant fall. When will it come? Words that rattle. See the jailers. nation. I can hear your cries from down the hall, soul in isolation. I can hear you breathing through the walls, and if I had a mind to now, I could call to you, or I could simply shut you out. No more would you cry, cry, cry. Allez, encore une petite découverte, en tout cas petite découverte pour moi, parce qu'après les Chameleons, on va écouter The Mr. Rhymes. Je ne connais pas, ou en tout cas très peu. On va donc se faire le reading de The Mr. Rhymes. Entre vents et marées, dans Pop and Rock, on adore les smashing. You're your mother to my child, and a child to my heart. après les Smashing, je vous propose une petite vague de 70s. Depuis quelque temps, je découvre les juvéniles Children of the Sun. Juvéniles mais capables de nous envoyer les 13 titres de Roots, leur dernier album, sans sourciller. Un conseil, prenez le temps d'écouter ces 13 titres. J'adore cette vague très 70s. Pour ne pas l'éteindre, voici le One More Step des Church of the Cosmic Skull. Step, you'll be stepping up. step and you're part of the team. One more step till you know what I mean. One more step, you'll be stepping aboard your new life, your new self. Entre 17h et 18h sur RVR, vous avez rendez-vous avec Pop & Rock. Et pour nous retrouver, foncez sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Distance.

these times, 'cause time can mean so much. Are you still mine? My sweet Lord, will you help me leave the darkness behind, so far beyond such a crime? It's been running in my veins for too long. Avance, c'est pour la dernière partie de notre pop and rock. On va faire dans du classique. On vient d'écouter Animal Triste, qui deviendra peut-être un classique dans pop and rock. Et on fonce maintenant sur Local and the Commotion avec le morceau Big Snake. Mine, I will not be around when you call, oh daddy, black wine. Warm summer rain washes your tears into the big snake, into the ocean. Your skin is so white under harbor light. Should you fall, I'll be your baby. Pop and Rock va se refermer avec le groupe de Anton Newcombe, le Brian Johnston Massacre. Et n'oubliez pas, on va se retrouver tout cet été, chaque lundi, entre 17h et 18h sur RVR. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Sad. gone.